الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, biznillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes déjà dans le chapitre, le grand chapitre de la prière. Et nous avons vu la définition de la prière ainsi que les moments de la prière, c'est-à-dire le moment de Fajr ainsi que de Zuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha. Et nous avons vu aussi l'autorisation de faire le jam'u entre deux prières, c'est-à-dire entre Zuhr et Asr, et ensuite entre Maghrib et Isha. Voilà que pour la salat al-Fajr, salat al-Subh, il n'y a pas de jam'u pour cela. Il n'y a pas de jam'u entre la prière de Subh et une autre prière. Et nous avons ainsi parlé de la mas'ala al-jam'u al-suri wa jam'u al-haqiqi, le jam'u réel qui est le fait de rassembler entre deux prières, et le jam'u dans l'image mais qui n'est pas le jam'u. On a vu aussi cela, et nous avons montré que le Cheikh Albani, rahimahullah, a dit que cela fait partie des innovations des Hanafiyyah. Donc ensuite, nous avons vu aussi la mas'ala qui est celui qui dort en délaissant une prière, ou bien est distrait, c'est-à-dire a oublié, il doit prier au moment où il se rappelle. Nous avons aussi vu cela avec le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idha zakara » Celui qui dort pour il oublie une prière ou bien il dort. Enfin, celui qui oublie une prière ou bien il dort et il n'a pas prié, alors la compensation de cela est qu'il prie la prière lorsqu'il se rappelle. Donc, nous allons continuer dans la masala, dernière masala que nous avons vue, qui est la parole du Cheikh l'imam Shawkani rahimahullah qui dit والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. Celui qui fait le tayammum est celui qui a une prière diminuée ou bien une purification diminuée, alors il doit prier au même moment que les autres sans retarder la prière. Donc nous avons vu al-mutayammim, c'est-à-dire celui-là, il ne doit pas dire, bon, si je fais le tayammum, je peux retarder la prière comme l'heure de la prière n'est pas encore sortie, donc je retarde la prière jusqu'à ce que, si l'heure venait à sortir, donc je vais prier en même temps ce moment, si je ne trouve pas de l'eau. Donc, nous avons vu que celui-là, s'il n'y a pas de l'eau qui fait le tayammum, il n'a pas à attendre. Il doit prier la prière fauran en même temps. Et aussi, celui qui est naqisu as-salah, c'est-à-dire celui qui est dans un état où il ne peut pas prendre les ablutions de façon totale. Donc celui-là aussi, yani, s'il s'assoit pour prier, et qui sait que d'ici l'heure de la prière va sortir, il pourra avoir la capacité de s'arrêter. Donc, au lieu d'attendre le moment où la prière arrive, alors il prie en ce moment, même s'il n'est pas capable de s'arrêter en ce moment, il prie assis. La même chose pour celui qui a une purification du minier. Al-Maqsoud, c'est que tout cela ne doit pas attendre à ce que l'heure de la prière sorte. Mafoum. Ensuite, la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit, « Wa awqatul karahati fi ghayri Makka, wa ba'da al-fajri hatta tartafi al-shamsu, wa inda al-zawali fi ghayri jawmi al-jum'a, wa ba'da al-asri hatta taghurba. » Ici maintenant, nous allons parler des moments interdits pour la prière. Les moments interdits. Ces trois moments. Donc, ces moments interdits, fi ghayri Makkah. Ces moments sont interdits dans autre endroit que Makkah. Et il va donner la preuve de cela. Mais est-ce que cette preuve, na'atamidu alayhi, aoula na'atamidu alayhi? On se base dessus, on ne se base pas dessus. À la cour léhal, nous allons voir cette preuve-là. Mais le cheikh, il a fait le taqiyid ici, il a précisé ici en disant wa awqatu al-karaha, les moments détestables. Karaha ici, c'est le moment interdit, les moments détestables fi ghayri Makkah, dans autre endroit que Makkah. Ces trois moments, lorsque le soleil se lève jusqu'à ce que hatta tartafi ash-shams, c'est-à-dire le moment où le soleil se lève. On ne prie pas en ce moment jusqu'à ce que le soleil monte complètement. C'est-à-dire, qarsu shams, c'est-à-dire la rondeur du soleil, on puisse voir la rondeur du soleil avant de prier. Donc c'est un moment qui est interdit lorsque le soleil s'élève. Tayyib. Le deuxième moment, wa inda zawal, lorsque on est au zawal. Le zawal ici n'est pas le zawal en réalité. Parce que le zawal, c'est le moment des zohr. Mais ici, le zawal dont il s'agit, lorsque le soleil est au milieu de la tête, ce qu'on appelait istiwa. Lorsque le soleil est au milieu de la tête, ce n'est pas encore descendu, c'est-à-dire ça n'a pas encore bougé, alors c'est interdit de prier en ce moment. Fi ghayri yawm al-jumu'a. Donc c'est interdit de prier en ce moment, sauf le jour de Jumu'a. Et on va voir les hadiths qui concernent cela. Wa ba'da al-asri, et après la prière de Asr, hatta taghruba ash-shams, jusqu'à ce que le soleil descende. Ce n'est pas juste après la prière de Asr. C'est juste au moment où le soleil descend. Ça va? C'est juste au moment où le soleil descend. Et nous allons voir aussi les preuves concernant cela. Sabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahihayn. Le hadith est venu de façon authentique dans les deux authentiques, c'est-à-dire Sahih Muslim et Sahih Bukhari, wa ghayrihima, et autres rapporteurs, annahu naha 'ani as-salati ba'da al-fajr. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après la prière de Fajr, hatta tatlu ash-shams, jusqu'à ce que le soleil se lève. Il a interdit de prier au moment de Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Wa ba'da al-asri, Et ensuite, après la prière des Asr, hatta taghruba ash-shams, jusqu'à ce que le soleil descende, c'est-à-dire le soleil tombe et rentre complètement. Donc, il a interdit de prier en ce moment. Wa inda zawali, et aussi au moment du zawal, et nous avons expliqué que le zawal, c'est le moment où le soleil est mustawin, le mana est au-dessus de la tête. Pas le zawal dont nous avons dit que c'est le moment du zuhur. Tayyib. Donc, وَجَاءَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ c'est venu dans le hadith de عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ مَا يُبَيِّنُ ce qui clarifie أَنَّ الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكِ que ce qui est voulu de cela وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ c'est le moment où le soleil se lève وَوَقْتُ غُرُوبِهَا et c'est le moment où le soleil descend La jami' al-waqt ba'd al-fajr. Ce n'est pas tout le moment après le fajr wa ba'd al-asr et ce n'est pas tout le moment après la prière des asr. C'est-à-dire, ici l'interdiction qui vient dans ce hadith n'est pas juste après la prière des fajr, on ne doit plus faire notre prière. Mais ba'd al-asr, ça veut dire juste au moment où le soleil se couche. Juste au moment où le soleil se couche. Donc, si le soleil commence à se coucher, jusqu'à ce que le soleil rentre complètement. Pour le fajr aussi, juste au moment où le soleil se lève. C'est lorsqu'on voit qu'on chante, c'est-à-dire le disque, hein, la rondeur du soleil commencer à apparaître, jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Alors, c'est en ce moment-là qu'on peut prier. Mais dès que le soleil commence à se lever, alors il est interdit de prier en ce moment. Mafoum? Donc c'est de cela il s'agit. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Qala Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir dit, Salatu sa'atin. Il y a trois moments. Yanhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous interdit an nusalliya fihinna de prier dans ces trois moments. Aw naqbura fihinna mawtana ou bien d'enterrer nos morts en ce moment. Hayna tatlu'u ash-shams bazighatan lorsque le soleil s'élève de façon apparente hatta tartafi' jusqu'à ce que le soleil s'élève complètement. Qadra rumhin, c'est-à-dire à l'équivalent d'une lance, ou on peut dire un trait. Wa hina yaqumu qa'imu dhahira, et lorsque le soleil est mustawin, c'est-à-dire au-dessus de la tête, hatta tamilu shams, jusqu'à ce que le soleil bouge, c'est-à-dire se penche un peu. Wa hina tadayyafa shams, et lorsque le soleil se couche, hatta taghruba. Jusqu'à ce que le soleil descende. Tadayyafa yani tamil. Lorsque le soleil descend, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc ici, dans le hadith de Uqbah ibn Amir, qui est rapporté par l'imam muslim, il dit dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prier ces trois moments. Et nous interdit d'enterrer nos morts ces trois moments. Mafoum, hatta tartafia, jusqu'à ce que le soleil, c'est-à-dire le moment où le soleil s'élève, jusqu'à ce qu'il s'élève complètement. Ay qadra rumhin, c'est-à-dire le soleil s'élève complètement à l'équivalent d'une lance. Quand tu prends une lance et tu essaies de mettre comme ça, tu regardes, tu vois que le soleil s'est levé de cette manière. Ou bien un trait, ou bien comme il est dit ici, il dit, comme a fi ba'd al-riwayat, comme c'est venu dans certains riwayats, yani qadra mitrin, à l'équivalent d'un mètre, fi ra'y al-ayn, dans la vision de l'œil. C'est-à-dire, tu regardes le soleil, lorsqu'il s'élève, tu essaies de prendre un mètre, selon toi ta vision. Et tu regardes sur le soleil juste au-dessus de un mètre que tu as déposé, alors sache que, c'est de cela qu'on parle. Quand il s'élève en ce moment et qadra mitril, alors, c'est-à-dire qu'en ce moment, on peut prier. Est-ce que c'est compris? Wahiya, et cela, on peut mesurer ça à 10 daqa'iq. Lorsque le soleil commence à s'élever, on peut mesurer 10 minutes. Si 10 minutes arrivent, ça veut dire qu'en ce moment, on est sorti du moment de la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le moment qui est interdit, c'est le moment où le soleil commence à faire sortir sa tête. Vous comprenez? Donc s'il commence à faire sortir sa tête, tu calcules 10 minutes. 10 minutes après, tu verras que la rondeur du soleil est déjà dehors. Ça va? Si sa rondeur est déjà dehors, là on peut prier. Mais juste le moment où le soleil commence à faire sortir sa tête, il est interdit de prier en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Il est interdit de prier en ce moment. Et au moment aussi où le soleil se trouve au zénith. Vous comprenez? Juste au-dessus de la tête. Aïhala isiwa ishams. C'est-à-dire le moment où le soleil est juste au-dessus de la tête. Aïhina la yabqa lilqa imi fi zahira. Lorsque celui qui s'arrête, il ne lui reste pas, c'est-à-dire il n'a pas d'ombre. Il n'a pas d'ombre. La fil mashrik. Voilà, ni du couchant, ni du levant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque le soleil est juste au-dessus de la tête, alors, en ce moment, il est interdit de prier, sauf le jour de la Jumu'ah. Et on va voir les preuves de cela. Wa qawluhu hina tadayyafa. Lorsque tadayyafa, c'est-à-dire le soleil, ay hina tamin. Lorsque le soleil se penche pour tomber. Donc, lorsque le soleil commence à rentrer, on attend à ce que le soleil rentre complètement. Est-ce que vous comprenez? Hatta taghrub, jusqu'à ce qu'il rentre complètement. Qala Ibn Usaymin. Ibn Usaymin, rahimahullah, il dit, yaj'alu qadra rumhin kashuruq. C'est-à-dire, il met l'équivalent d'une lance au couchant. Comme, à shuruq, c'est-à-dire au lever. De la même manière qu'il a fait au lever, il le fait aussi au couchant. Walladhi yadullu ala ma zakarnahu. Ce qui montre, ce que nous avons mentionné tout à l'heure. Annahu sabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih. Alors cela a été affirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique annahu salla ba'da al-asr, qu'il a prié après la prière de l'asr. Fa yakunu an-nahy, donc l'interdiction ici khassan est spécifique bil awqat allati zakaraha Uqba. L'interdiction est juste spécifique sur les moments que Uqba ibn Amir a mentionné. Quels sont ces moments? Lorsque le soleil se couche, lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil est au-dessus de la tête. Ça va? Ce sont ces trois moments dont il est interdit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il priait souvent après la prière des Asr. Il faisait les nawafil qu'il avait manqué le moment des Zuhr. Ça va? Lorsqu'il manquait les rawatib des Zuhr, il rattrapait Ba'da al-Asr. Ce qui montre que ce n'est pas interdit de prier Ba'da al-Asr. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas interdit de prier Ba'da al-Asr. Mafoum? Donc ici, Wakana ibn Omar, Wakana Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Kana yadribu ala salati Ba'da al-Asr. Il frappait lorsque quelqu'un priait après la prière des Asr, kayla tuaddi ila salat, pour ne pas que cela mène à prier fi waqtin nahi, le moment interdit. Wa bayyana Umar nafsu sababa darbihi alayha, Et Omar, il a mentionné pourquoi il frappe en ce moment. Omar radiallahu anhu, pourquoi il frappe en ce moment. وَثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ Mais c'est venu de façon authentique de plusieurs compagnons أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ qu'ils priaient après la prière de l'Asr. Alors ici, le hadith qui montre que Omar frappait les mains surtout lorsque les gens venaient prier après la prière de l'Asr. C'est le hadith là où ils ont posé la question à Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. Anitatawwi ba'd al-asr. Au sujet de la prière surrogatoire après la prière de l'Asr. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faqala kana Omar yadrib al-aidi. Omar frappait les mains. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un venait prier, il l'attrapait et puis le frappait. Après la prière de l'Asr, il venait prier une autre prière. Ça va? Yadribu aidi ala salati ba'd al-asr. Le fait de prier ba'd al-asr. Wa kunna nusalli. Mais, Anas bin Malik dit, mais nous, à la ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous on priait rak'atayn ba'd ghurub ash-shams qabla salat al-maghrib. Ça va? قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا. Donc ici Anas bin Malik radiallahu anhu dit nous on priait avant le coucher du soleil, avant la prière de Asr. Ça va? Et celui qui pose la question à Anas bin Malik, il demande, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait en ce moment aussi? Il a dit, il nous voyait prier en ce moment, mais il ne nous ordonnait pas, ni il ne nous interdisait pas aussi. On appelle cela sunnatu taqriri, une sunna d'approbation. Surat al-Asr. Oui, c'est ce qu'on a dit. Après la prière de l'Asr. C'est ça? Non, après Salat al-Asr. Barakallahu fik. Donc ici, wa amma istisna ou Makkah. Quant à l'exception qui a été faite de Makkah ici, parce qu'il a dit, ces moments, il est interdit de prier ces moments, sauf à Makkah. Donc le fait qu'il a fait l'exception de Makkah ici, Falima warada fi sunan, à cause de ce qui est venu dans le sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, et c'est le hadith de Jubair Ibn Mut'im, qui dit anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ya bani Abd Manaf, il s'adresse aux fils de Abd al-Manaf, c'est-à-dire les gens de Makkah. Man waliya minkum min amri nasi shay'a, celui qu'on lui donne l'autorité parmi les affaires des gens, fala yamna'anna ahadan tawafa bi hadha al-bayt, qui n'interdise pas à quelqu'un qui vient faire le hajj, qui vient faire le tawaf ou bien la umra autour de cette maison sacrée, qui ne l'interdise pas de faire quoi? Qui ne l'interdise pas de prier à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ça va? Ce hadith vient dans ce laps. C'est-à-dire, à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Celui qui a l'autorité si Makkah et que les gens viennent faire le tawaf ou bien le hajj, qui n'interdise pas à quelqu'un de prier dans n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Mafoum? Tayyib. Donc ce hadith vient dans les sunan. Et ce hadith est bon. Wa amal jumu'ah. Quant à la jumu'ah, à la prière de jumu'ah, parce qu'on a dit aussi que ces moments sont interdit, surtout le moment où le soleil est moustawin, au-dessus de la tête, sauf le jour de la Jumu'ah. C'est-à-dire le jour de la Jumu'ah, on peut prier en ce moment-là, n'est-ce pas? Faqad istadallu bi hadith Salman. Alors, les savants qui ont dit cela, ils ont argumenté avec le hadith de Salman. Le hadith de Salman. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ah. Aucun homme ne se lave le jour de la Jumu'ah. Wa yatataharu. Il se purifie. Mastata'a min tuhur. Selon ses capacités de purification. Wa yudahinu. Yani yatatayyab. Il se parfume, min dohni, du parfum, ou yamas, ou bien il touche, min tibi beitigi, il touche le parfum de sa maison. Fayyib. Summa yakhruj. Ensuite il sort, fala yufarrik bayna snayn. Il, c'est-à-dire, ne met pas de, il ne dérange pas deux personnes. Fala yufarrik bayna snayn. Cela veut dire que d'autres personnes, lorsqu'ils viennent dans la Jumu'ah, ils viennent trouver les gens sont assis, ils essaient de passer au milieu. Donc, fala yufarri bayna snayn, il va pas déranger les gens, summa yusalli ma kutibala. Et il va prier ce que Allah lui a facilité. Summa yansatu, ensuite il s'éteint, il s'attaquallam al-imam. Lorsque l'imam parle, illa ghafara Allahu lahu ma bayna wa bayna al-Jumu'ah al-Ukhra. S'il fait cela, ce qu'on vient de dire, Allah lui pardonne ses péchés entre les deux Jumu'ah. Entre les deux Jumu'ah. Mais regardez ici dans le lafz du hadith. Dans le lafz du hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, summa yusalli ma kutibala. Il prie ce qu'Allah lui a facilité. Pourtant, on sait très bien que les gens, il est ordonné même aux gens de venir vite dans la prière de Jumu'ah. N'est-ce pas? Il y a un hadith, il y a des hadiths même clairs sur cela. Celui qui vient, il a, à la première heure, il a telle récompense. Celui qui vient à la deuxième heure, il a telle récompense. Maintenant, ce qui est la sunna est connu de certains savants, lorsqu'ils viennent dans la Jumu'ah, yusalluna hatta dukhul al-imam. Ils prient deux rakats jusqu'à l'entrée de l'imam. À cause de ce hadith-là. Ibn Qayyim, il vient avec ce hadith et il argumente de cette manière. Il montre que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ici summa yusalli ma kutibala. C'est-à-dire ici, la parole est dite de sorte que c'est généralisé. Il prie ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Donc, s'il fait cela, Allah lui pardonnera les péchés entre la Jumu'ah et la Jumu'ah qui vient. وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَدِيثٍ أُخْرَى. Ils ont argumenté avec certains d'autres hadiths. مِنْهَا حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَى. De cela, il y a le hadith d'Abi Hurayra. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ. Ils disent que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم interdisait la prière نِصْفَ النَّهَارِ, le milieu de la journée, إِلَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ, sauf يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Mais ce hadith est doïf. Ce hadith est doïf. وعن أبي قتادة أوسيد يال الحديث أبي قتادة كذي كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمساجد الله صلى الله عليه وسلم أ détesté la prière نصف النهار le milieu de la journée إلا يوم الجمعة sauf le jour de la جمعة وقال وإن جهنم تسجر إلى كار le feu de l'enfer tasjar ou isjarra, c'est de bayad ila ihmirar. C'est-à-dire, le feu de l'enfer devient plus rouge illa yawmul jumu'ah. Sauf le jour de jumu'ah. Alors que ce hadith est doïf aussi. Ce hadith est doïf. Donc voilà, nastadilu bihi. On n'argumente pas avec ce hadith. Il nous reste quel hadith? Il nous reste le hadith de Salman qu'on a vu. N'est-ce pas? قال البيهقي رحمه الله. L'imam Bayhaqi il dit رحمه الله قال لي فاس ميزيركون وإعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Lui dit, je me base dans cette mas'ala sur le hadith de Abi Huraira, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, man ightasala yawm al-jumu'ah fa salla ma qaddara lah. Celui qui se lave le jour de la Jumu'ah et il prie ce qu'Allah lui a facilité, summa ansata, ensuite il se tue, hatta yafrugh al-imam, jusqu'à ce que l'imam finit, il a akhir al-hadith. Allah lui pardonne ses péchés. Et le hadith de Abi Saïd ainsi que le hadith de Abu Reira qui montre que man ightasala yawm al-jumu'ah, celui qui se lave le jour de la Jumu'ah, wastaka, il a pris le siwak, wa labisa ahsana siyab, il a porté le plus beau de ses vêtements, wa tatayyaba bi tibin, il a mis le parfum, wa in wajada, summa, s'il trouve le parfum, in wajada, s'il trouve le parfum, summa jaa, il est venu à la mosquée, wa lam yatakhatta an-nas, il n'a pas piétiné les gens, fa salla ma shaa Allahu an yusalli, il a prié ce qu'Allah voulait qu'il prie. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ سَكَتَ. Si l'imam rentre, il s'éteint. فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. Cela est un pardon de péché pour lui jusqu'à la Jumu'ah qui vient. Et riwayatuhu, les riwayats que nous avons vus, كُلُّهُمْ ثِقَةٌ. Ce sont les riwayats des gens dignes de confiance. قَالَ. Il dit, وَوَجُ الْإِسْتِدْلَالِ. L'argumentation ici c'est quoi? Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam istahabba at-tabkir. Il a montré que c'est préférable de venir vite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la Jumu'ah, wa najiba ila salat, et il a appelé à prier ila an yakhruja al-imam, jusqu'à ce que l'imam vienne. Donc regardez le moment où la personne vient à la mosquée à la prière de Jumu'ah jusqu'au moment où l'imam rentre. L'imam rentre juste après le zawal. L'imam rentre juste au zawal, c'est-à-dire juste au moment de la prière de Zuhur. Est-ce que vous comprenez? Taïb, du moment jusqu'à l'entrée de l'imam, c'est sûr que la personne va prier dans un moment interdit les autres jours. N'est-ce pas? Et ça sera au moment où le soleil sera moussawi. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela montre que le jour de la Jumu'ah, seulement, on peut prier ce moment-là. Mafoum? Toyib. Fadalla zalika ala jawazi fi'li salat nisfu layl. Cela montre que il est permis de prier la moitié de la journée qui est là où le soleil est juste au-dessus de la tête. Il n'y a aucun mamnouan, car lorsque, si c'était interdit, mais nous, la mamaddahu ila khuruj al-imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas étendre la prière de l'homme jusqu'à l'entrée de l'imam. Il n'allait pas étendre cela jusqu'à l'entrée de l'imam. Wa qala sunani. L'imam sunani, il dit, Bada mazakara hadith abu qatada al-mutakaddim. Après avoir mentionné le hadith de Abi Qatada qui a précédé, da'afahu Abu Daoud, mais Abu Daoud a rentré ce hadith da'if, illa annahu ayyadahu, mais il a renforcé ce hadith bi fi'li ayyadahu fi la ashab rasulillah, c'est-à-dire avec l'action des compagnons. Il a renforcé cela avec l'action des compagnons. Fa inna mukanu yusalluna an-nahar yawm al-jumu'ah. Les compagnons priaient la journée le jour de la Jumu'ah. Mafoum? Tayyib. Summa zakara ma stadalla bihi al-Bayhaqi. Ensuite, il a mentionné ce que Bayhaqi il a pris pour argumenter. Wa afdalu waqtin tu'addi fihi as-salah, le meilleur moment dans lequel on accomplit la prière, huwa awwal waqtiha, c'est son premier moment. Comme صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهر في شده الحر, sauf la prière du zohr lorsqu'il fait chaud. Ça va? Lorsqu'il fait chaud. Le qawlihi صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit abridu bi dhuhr, refroidissez avec le jour. C'est-à-dire lorsqu'il fait trop chaud, on peut attendre jusqu'au dernier moment du jour et puis prier. C'est une sunna même du messager d'Allah. Les gens ont délaissé cette sunna. Hatta, lorsque les compagnons venaient, dit au messager d'Allah qu'il est l'heure du jour, ils regardaient le temps et puis ils disent abridou bisola. C'est-à-dire, attendons, comme il fait trop chaud, on attend un peu, et puis on va prier la prière des jours lorsque le temps sera moins chaud. C'est une sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement, qui est délaissée aujourd'hui par les gens. Car il a dit, fa inna shiddat al-harri, car la grande chaleur, min fei jahannam, vient des profondeurs du feu de l'enfer. Wal isha, et la prière d'Isha aussi, qui, lorsqu'on le retarde aussi, c'est plus méritoire que de le prier au premier moment. Et là, sous le soleil, on retarde jusqu'au tiers de la nuit. Le Kauli Israël Sallam, à cause de la parole du messager d'Allah Sallam, qui dit, Innakum tantaziruna salata ma yantaziruha ahluddin ghayrukum. Il dit, vous attendez des prières que les gens qui ont eu des religions avant vous n'attendez pas. C'est-à-dire, vous retardez, vous attendez. Donc, il dit, Laula ayaskula ala ummati. Il dit, si cela n'allait pas être lourd pour ma communauté, la solaitu bihim adhisa. J'allais prier avec eux ce moment-là. Le dernier tiers de la nuit. Wa kana kharaja alayhim hina dhahaba thuluth al-layl aw ba'da. Il est sorti souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier avec eux lorsque le tiers de la nuit est passé ou bien même après. Et cela est connu. Dans le hadith de Aïcha, innahu liwaqtiha la waqtuha. Il dit, c'est son moment, laula an shaqqa alaykum, si cela n'était pas difficile pour vous. Laula an shaqqa alaykum, si cela n'était pas difficile pour vous. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa kana sallaha hina dhahaba ammatul layl. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière d'Aïcha lorsque la majorité du temps de la nuit est passée. Wa fassarahu an-Nawawi. Et l'imam Nawawi a expliqué cela bi zahabil kaseer minhu, que il y a beaucoup de temps de la nuit qui a passé. Hein, la aksar, mais c'est pas plus, ce qui a passé n'est pas plus nombreux que ce qui reste. Ça va? Donc, voici ici, fima yata'allaqu bi awqati as-salah, concernant les moments de la prière. Donc, nous allons rentrer ici dans Babu al-Azan, le chapitre de Azan. Nam. Non, aucun amir. Il était amir. Bon, je voulais savoir, c'est basé sur quel dalil vous faites cela? Non, c'est le dalil que nous avons mentionné. Et la cause, c'est quoi? Omar même a expliqué le sabab. Afin que les gens ne prient pas dans le moment interdit. Aucun amir. La Rasul Srasan dit, Manra amin kum munkaran fan. Al-Yogayiru biyadi. S'il a parlé que les gens ne comprennent pas, il va les toucher un peu. Allez. Ah. Bon, pour celui. Non, oui. Entre et puis le. Chapouri. C'est quelle prière le Messager de Salam ne laissait pas? La prière de quoi? C'est sur la terre le Fajr. Le huître même, il ne laissait pas aussi. Le huître, il ne laissait pas. Ça va? Les 8 se composent en 1 rakat, 3 rakat, 5 rakat, 7 rakat, 9, 7, 11. Tout ça, c'est le 8 du professeur Al-Sallam. Ça va? C'est le nombre impair. Ça va? Ce que les gens ont l'habitude de connaître ici comme étant le 8, c'est 1 rakat, 1 rakat. Pourtant, Rasul Al-Sallam faisait le 8, 3, sans s'asseoir, 5, sans s'asseoir. Au dernier moment, il s'assied. Ça va? Donc ça, c'est connu du messager d'Allah sur la salle. Oui, oui. 3, 5, 7, 9. Allah nous accorde la confiance. Toi, tu as quel problème? Hein? Non. Celui qui a raté le huître jusqu'à ce que le moment de Salat al-Fajr arrive, il rattrape le huître en nombre impair dans la journée au moment de Duha. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. En nombre pair, enfin. En nombre pair. Il rattrape en nombre pair. C'est-à-dire 2, 4, 6, ainsi de suite. Ça va? Non. Après la, après le dars, vous allez poser les questions, hein? Peut-être que j'ai pas suivi la partie, mais j'ai pas entendu le cheikh mentionner le fait de prendre, lorsqu'on finit de prendre les ablutions, si c'est un moment interdit, celui qui a l'habitude de faire 2 rakas après chaque ablution. Non, c'est une très belle question. Le cheikh n'a pas mentionné cela ici. Voilà qu'il, on va juste préciser ce moment-là, cette action. Awalan, lorsque tu rentres dans une mosquée, le hadith est âme, est général. Lorsque tu rentres dans une mosquée, même si c'est dans un moment interdit, tu fais tahiyyat al-masjid. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire tahiyyat al-masjid lorsqu'on rentre dans la mosquée. Et il n'y a pas d'exception pour cela. Ensuite, lorsque tu prends des ablutions, ça va? Tu prends tes ablutions et tu rentres dans la mosquée. Après les ablutions, alors tu peux prier 2 rakats et c'est ce que Bilal ibn Rabah il faisait, radiallahu ta'ala anhu. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ses pas dans le paradis. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, c'est-à-dire, si tu prends les ablutions, après chaque ablution, il y a 2 rakats pour celui qui a la capacité. Ça va? Et lorsque tu rentres dans la mosquée, tu fais tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid. Barakallahu fik. Ensuite, babul azan, le chapitre de l'azan. L'azan, c'est quoi? L'appel à la prière, n'est-ce pas? Tayyib. قوله باب الأذان لشابيد الأذان الأذان في اللغة الأذان dans la langue arabe الإعلان c'est-à-dire l'annonce. الأذان dans la langue arabe ça veut dire l'annonce. وفي الشرع et dans la législation إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. Annoncer l'entrée de l'heure de la prière à travers des mots spécifiques. Ça va? Annoncer l'entrée de l'heure d'une prière à travers des mots spécifiques. Ça va? قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: وَيُشْرَعُ لِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أن يتخذوا مؤذنا. Il dit, il est légiféré pour les gens de chaque ville de prendre un muezzin. De chaque ville. Comme on peut dire, de chaque quartier. Ça va? Kul balad, c'est al-makan. Chaque quartier doit avoir un muezzin. Quelqu'un qui se porte garant pour faire le azan pour les musulmans. Ça va? Hadi min as-sunnah. C'est une sunnah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est mu'azzin, c'était qui et qui? Bilal et puis Abdullah ibn Maktoum. Ça va? Et c'est connu. Donc prendre quelqu'un comme un mu'azzin d'une mosquée n'est pas une bida. Ni d'un quartier n'est pas une innovation. Ça va? Donc voilà pourquoi le cheikh il dit wa yushra'u li kulli li ahli kulli baladin an yattakhidhu mu'adhdhinan. Ça va, il est autorisé pour chaque yani chaque quartier de prendre un mu'adhdhin. Wa yushra'u, yushra'u c'est-à-dire yasunnu lahum dhalik. Il est préférable pour eux de faire cela. Le Kaulihi, sallallahu alayhi wa sallam, le Ousmane ibn Abi al-As. Ousmane ibn Abi al-As, wa takhiz mu'azzinan. Il dit, prend un mu'azzin, la ya'khudu ala adhanihi ajra. Qui ne va pas prendre de salaire, si son azan. Prend un mu'azzin, qui ne va pas prendre de salaire, si son azan. Pourquoi? Parce que le azan, c'est une adoration. N'est-ce pas? Prendre un salaire ici, c'est badal. Mais, toi, si les gens viennent te donner, est-ce que, sans te dire que c'est un salaire, mais ils te donnent quelque chose, parce que tu es une personne aussi, si tu dis que tu vas aller travailler, tu ne pourras pas venir faire les azan, les cinq moments, et les gens trouvent quelque chose pour te donner. Est-ce que c'est autorisé de prendre ou est-ce pas autorisé de prendre? C'est autorisé de prendre. C'est comme quelqu'un qui enseigne le Coran et il prend quelque chose pour pouvoir yani s'occuper de lui-même. N'est-ce pas? Mais la personne ne met pas comme condition, je ne fais pas le azan tant que vous m'avez pas payé. Donnez un salaire. Comme on voit aussi dans les mosquées des Ahlul Bida. Hein? Le muazzin, il a tous les privilèges. Hein? Tous les sarakas qu'on envoie là, c'est au muazzin qu'on vient donner. Poulet noir, poulet rouge. Hein? Tous les sarakas, on vient donner au muazzin. On cherche même le muezzin. Souvent même ça crée un problème entre le muezzin et puis l'imam. Parce que chaque privilège, on vient donner au muezzin, et puis on laisse l'imam. Oh, allez, ça. Donc, les gens, ils font ça. Donc, ce qui fait que dans ces gens de mosquées-là, l'imam, yani le muezzin, ça se mérite, hein. C'est-à-dire, c'est le plus fort qui est muezzin là-bas, hein. C'est-à-dire, lui, on sait que lui-là, même lorsqu'on va le lancer corotti, ça rentre pas. Là, on sait que le muezzin là-bas, non. Lui, là, faut pas t'amuser avec lui. Hein? Comme j'ai un oncle qui est muezzin d'une mosquée. Et une fois, il était en train de parler. Moi, je faisais l'effort sur lui pour qu'il laisse les innovations et certaines choses qu'il fait. Il est muezzin. Il est deuxième muezzin d'une mosquée. Mais comme l'autre muezzin, il est là. Mais souvent, il est malade. S'il est malade, mon oncle, c'est lui qui prend sa place. Donc, tous les privilèges, les moutons, les poulets, on vient lui les remettre. On vient les donner. Donc, l'autre a vu que non, que c'était compliqué. Deux jours seulement, mon oncle a perdu toute sa voix. Et il me dit, c'est lui, il est sûr que c'est l'autre là qui lui a fait ça. La Moussane, qu'Allah nous aide. Hein? Ah, hatta fil masjid, tafalouna zalik. Vous faites cela même dans la mosquée. Ah, il dit, il a perdu sa voix. Donc il sait que c'est l'autre là. Et là, il dit, non, tu sais pas. Tu connais pas. Tu as perdu ta voix parce que tu fais azan. Ah, c'est la première des choses que tu dois mettre dans ta tête. Allahoul Moussane, ala kulli hal, c'est permis de prendre un muazzin dans chaque balade, dans chaque quartier, d'avoir un muazzin khas, ou bien deux. Ça, c'est permis. À l'époque du prophète, il y avait cela. N'est-ce pas? Maintenant, ici, on va parler du jugement de azan. Halil azan wajib. Est-ce que le azan est obligatoire ou mustahab? Ou bien c'est préférable? Est-ce que le azan est obligatoire ou bien c'est préférable? Toyib. C'est le mas'alat khilaf. Il y a une divergence dans ce sujet-là. Mais on va prendre ce qui est zahir. Le cheikh dit wa zahir, ce qui est prépondérant et apparent, annahu wajibun wujuban kifaiya. C'est un wajib, une obligation qui est commune. C'est-à-dire, si certains ont fait l'azan, ça tombe sur les autres. Ça va? Si certains ont fait l'azan dans un balat, les autres, ça tombe. Même s'ils n'ont pas fait. Mais, à la Koulehal, toutes les mosquées doivent faire le azan. Ça va? Mais ici, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في عدة أحاديث. Il a ordonné cela dans plusieurs hadiths. Minha hadith Malik ibn Huwairis, qui vient dans les deux authentiques. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a dit à Malik al-Huwairis wa li sahibihi, et à son compagnon, indama arada ar-ruju ila ahlihim, lorsqu'ils ont voulu se retourner vers leur famille, il a dit irji'u ila ahlikum, retournez-vous vers vos familles, faqimu fihim, c'est-à-dire accomplissez la prière auprès de wa'allimuhum wa'muruhum et waqimu fihim, c'est-à-dire restez parmi eux, wa'allimuhum et enseignez-les, وَمُرُوهُمْ et ordonnez-les. وَذَكَرَ الْأَشْيَا, il a mentionné des choses dans le hadith, le hadith est long. ثُمَّ قَال, il a dit وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي, priez avec vos familles comme vous m'avez vu prier. Ensuite il dit فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, si la prière, le moment de la prière arrive, فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ, que l'un d'entre vous fasse le azan, وَلْيَأُمُّ أَكْبَرُكُمْ, et le plus grand parmi vous soit imam. وَكَانَ عَلَى سَفَرٍ, mais les deux étaient en voyage. Et le professeur Hassan leur a dit cela. Donc, dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, on voit ici que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Malik al-Huwairis, n'est-ce pas, Ibn al-Huwairis, de faire le azan, n'est-ce pas? Wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha ghaza, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il attaquait des gens, wa marra bi qawmin, yani idha ghaza ghazwatan, lorsqu'il sortait pour une bataille, wa marra bi qawmin, et il passait auprès d'un village ou bien de certaines personnes, lam wa lam ya'lam, et il ne savait pas ahum muslimuna ou mushrikun, il ne savait pas si c'était des musulmans ou des mouchriquins, des associateurs. Qu'est-ce qu'il regardait? Intazara waqtu as-salah, il attendait le moment de la prière. Fa idha sami'a an-nida, lorsqu'il attendait les azan, lam yaghzum, il ne les attaquait pas. Wa in lam yasma, mais s'il n'attendait pas les azan, ghazahum, il les attaquait. C'est-à-dire, lorsqu'il partait faire des ghazawat, il partait attaquer les gens pour qu'ils deviennent musulmans, lorsqu'il arrive auprès d'un village, il attendait le moment de la prière. S'il entend le azan, c'est que ce sont des musulmans. Parce que le azan est une sha'ira, alama, c'est un signe des musulmans. Voilà pourquoi les savants ont dit à l'unanimité que lorsque on n'attend pas l'azan quelque part, la hijra devient wajib. La hijra devient wajib. Ça va? Pour celui qui a la capacité, comme en France. En France, la yajouzou lak, il ne s'est pas permis de faire le azan pour que ça sorte dehors. Le azan, c'est entre les quatre murs de ta mosquée. Si tu fais le azan, ça sort dehors, on ferme ta mosquée. Là-bas, là, il est douce. C'est pas permis de faire sortir les azan dehors. On met pas les microphones dehors. Hein? Ce n'est pas permis. Mais aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire ici, dans certains quartiers, ils veulent appliquer cela. Ça doit pas sortir. Si ça sort, on vient vous poser question. Pourquoi vous avez laissé votre argent sortir. Alhamdulillah, dans ce pays-là, on attend le hasan partout. Hein? Donc celui qui veut venir nous interdit, s'il commence à interdire dans les autres endroits, n'est-ce pas? Comme ça, il y a une loi qui sera jugée pour dire on ne veut pas attendre l'hasan. Là, nous on sait où on va partir. Ou bien? Mais madame, nous sommes ici, nous attendons les hasan, quel que soit le niveau du quartier, on doit attendre le hasan. Hasa wajib. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, ce hadith, ce dernier hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, et c'est le hadith d'Anas ibn Malik. Alors, fal azanu, le azan sha'iratun min sha'air l'islam, fait partie d'un rite parmi les rites de l'islam. Wajibatun, c'est obligatoire, fil hadari wa safa. Pour celui qui est résident et ceux qui sont en voyage, c'est obligatoire. Pour ceux qui sont en voyage et ceux qui sont résidents. Voilà qui est sahih, mais ce qui est correct, anna hadha al-wujub wujub kifai. Cette obligation est une obligation kifai. C'est-à-dire lorsqu'on dit wujub aini, ça veut dire que tout le monde doit faire le azan. Vous comprenez? Tout le monde. Si on dit wujub aini, c'est-à-dire même lorsqu'on s'arrête pour faire la prière, tous ceux qui sont derrière l'imam doivent faire les azan, la ikama. Mais c'est wujub qui va y. C'est-à-dire si une personne se lève pour faire les azan, alors l'obligation tombe sur les autres. Mais s'il n'y a personne pour faire les azan, tout le monde est dans le péché. Voilà pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivait auprès d'un village, il attendait d'abord. S'il entend le azan, même d'une seule mosquée ou d'un seul endroit, il ne les attaquait pas. Est-ce que il a conditionné que le azan soit entendu dans tous les endroits, par toutes les personnes, de toutes les personnes? Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, ce qui est correct, c'est ça. Il a quand même dit il badou. Si certains se lèvent pour faire le azan, ça qu'attend il baqin. Ça tombe. Le hasan, l'obligation tombe sur les autres. Fadnabi sallallahu alayhi wa sallam, lam ya'muru bihi nisa fil buyut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné aux femmes de faire le hasan dans les maisons. La wala man yusalli ma'al jama'a, ni celui qui prie avec un groupe, fil masjid. Hein? Le uzr. Celui qui n'a pas prié avec la jama'a dans la mosquée à cause d'une excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas ordonné de faire le azan. N'est-ce pas? Voyez. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam li Malik ibn al-Huwayris. Sa parole à Malik ibn al-Huwayris est allé wa yu'adzin lakum ahadukum. Que l'un d'entre vous fasse le azan, l'appel de la prière. Dalilun ala annahu laysa wajiban ala kulli ahad. C'est une preuve qui montre que ce n'est pas obligatoire sur tout le monde de faire le azan. Ça va? Mais, si une personne fait le azan, alors, khalas, inta al-mawdu. Qawluhu, yunadi bil-alfazi al-azani al-mashru'ati inda dukhul waqti salat. Il doit appeler. Est-ce qu'il s'arrête pour dire, venez à la prière en français, ou bien en bambara, ou bien, il y a des mots légiférés qu'on utilise pour faire le azan. N'est-ce pas? Donc, Yunadi, il appelle, bi al-fadil azan, avec les mots du azan, que le professeur Azan nous enseignait, inda dukhuli waqti salat, lorsque l'heure de la prière rentre. Fawa i'lamu, c'est une annonce, bi dukhuli waqti salat al-mafrouda, une annonce qui vient annoncer l'entrée de l'heure de la prière obligatoire. Wa ajma ahlul ilm, les savants sont unanimes, ala anna al-azan wal-iqama, que le azan et la iqama mashru'ani sont légiférés les salawat al-khams, pour les cinq prières. Wa qala al-imam Shafi'i rahimahullah, l'imam Shafi'i rahimahullah dit, لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة. إذن يبقى أذان نيد إقامة pour les prières qui ne sont pas obligatoires. Ça va? Il n'y a pas de azan ni de iqama pour les prières qui ne sont pas obligatoires. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit cela dans son livre Al-Umm. Indaha wa hadha qawlu jumhur ulama l'islam. Cela est la parole de la majorité des savants de l'islam. Wa yakunu nida bil alfazi. On fait l'appel avec les mots Al-Warida, qui ont été rapportés fil ahadith sahiha, dans les hadiths authentiques, wa in ikhtalafat, même si ces mots-là divergent. Fa ikhtilafuha, l'ikhtilaf de ces mots-là, ikhtilafun tanawwu. C'est un ikhtilaf qui est tanawwu, où chaque groupe de personnes a raison. D'autres disent non que le azan se fait comme ça, d'autres disent le azan se fait comme ça. Alors, pour les hadiths, ils ont tous des preuves. Et de façon authentique, venant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Fayajuzu hada wa yajuzu hada. C'est-à-dire, il est permis de faire cela, il est permis de faire l'autre. Hein? Wa hiya maskuratun fi sahihay. Et ces différents azan viennent dans les deux authentiques. Fi ba'di riwaya, tasniyatu takbir. Dans certains riwaya, c'est tasniyatu at-takbir. Le fait de faire le takbir deux fois. Dans certains riwaya, تربيع الشهادتين وباقي بالتسنية. تربيع les deux shahada, on fait quatre fois. Ça va? On fait quatre fois. Et on va donner l'exemple, inshallah. وفي بعدها, dans d'autres riwayas, تربيع تكبيرة الأولى وشهادتين. On fait les deux shahada et puis le takbir quatre fois. وتسنية باقي الأذان. Et le fait de faire deux fois le reste du azan. Ça va? Toyib. Donc, le premier azan, qui est tasniyatu takbir, wa tarbi'u ashahadatin wa baqiya bi tasniya. Qui peut venir faire cela? C'est-à-dire faire le takbir deux fois. Maintenant, les deux shahada, faire tarbi, quatre fois, quatre fois. Ça va? Les deux. Ça va? C'est-à-dire, et puis maintenant le reste, on fait deux fois, deux fois. Ça va? Man yuqimu bidhalik. Pour qu'on puisse tous comprendre. Ça va? Abu Ibrahim. Bismillah. Pour qu'on puisse entendre. Yakif. Yakfi, mais il faut que nous on attende. Non. Jazakallahu khair. Donc voici la première façon de faire le azan. Je vais revenir dessus pour que ceux qui suivent ils puissent entendre cela. D'abord, le premier c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait une fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait deux fois. Maintenant, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فكم اللي فات؟ بدنا لورس يفعل نورمال. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاء حي على الفلاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ça, c'est la première façon de faire le azan. Non? Vous avez dit Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Deux fois et tout, vous avez compté ça deux fois. Je compte ça quatre fois. Allah. Non? C'est deux? On met les deux ensemble. Non. Donc, deuxième manière de faire le azan, c'est quoi? Tarbi' ou takbir. Là, tu dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu reprends. Ça va? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait combien? Quatre. Maintenant, les deux shahadat, il fait comme le premier qu'on a fait. 4 fois 4 fois. Et puis le reste, il fait 2 fois 2 fois. Maintenant, le troisième azan, c'est ce que nous, on connaît. Hein? C'est ce que nous, on... Non, vous pouvez poser la question après. Ça va? Le deuxième, tu n'as pas saisi quoi? Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas? C'est deux fois. Donc le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait une fois. Non, non, non. Non. C'est deux fois. Ah, c'est la question que Sourou posait. Ah non, le takbir, c'est deux fois ici. C'est deux fois. Parce qu'il a dit ici, tasniyatu takbir. Tasniyatu takbir. C'est-à-dire, faire le takbir, tasniya. Ça va? Non, ici, le tasniya là, c'est deux fois deux fois. C'est ça, c'est deux fois deux fois. Quatre fois, quatre fois. Deux fois deux fois, quatre fois, quatre fois. Ça va? Dans le premier, c'est deux fois deux fois. Quand on dit tasniya, deux fois, deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait combien? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais dans le azan même, dans les différents types, il n'y a pas ce que vous dites là, deux fois, les deux takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et puis on va dire, demain, c'est un chadon, il n'y en a pas. Quand on dit tasniya, c'est le duel des deux takbir deux fois. C'est-à-dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait deux fois. C'est tasniya. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le tarbi, c'est de faire quatre fois. Quatre fois. Ça va? Cela vient dans la langue arabe. Comme Allah dit dans Surat al-Fatir, il dit Ja'ilil malaikati rusula. Ça va? Uli ajinehatil masna. Ça veut dire deux, deux. Deux ailes, deux ailes. Wasulasa, ça fait trois, trois. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abdus Salam ibn Birgis, il a mentionné ça dans son livre, Mu'taqad al-Sahih. Et on a déjà vu ça. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, pour ceux qui ont des questions par rapport aux différents azan, ça dit, le premier, on fait le takbir combien? Deux, deux. Et puis, les shahada, Allah, ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, quatre, quatre. Et le reste, on fait à la normale. Maintenant, le deuxième type. On fait les deux takbir, quatre, quatre. C'est-à-dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait quoi? 4, 4. Ça va? Et on reprend encore, ça fait 4. Ça va? Et maintenant, Ashhadu an la ilaha illallah, on fait 4 fois. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, 4 fois. Ça va? Maintenant, on fait les autres, à la normale. Maintenant, le troisième type, c'est le hasan que nous connaissons ici. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un pour ça. On attend tous le même hasan. Ça va? Allah nous accorde la compréhension. Qawluhu est la parole de l'imam Shawkani wa yushra'u lissami'i. Il est légiféré pour celui qui entend an yutabi' al-mu'azzin, de suivre le mu'azzin. Ça va? Le hadith Abi Saïd al-Khudri. À cause du hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, dans les deux authentiques. Iza sami'tum an-nida, lorsque vous entendez l'appel à la prière, faqulu misla ma yaqul al-mu'azzin. Dites pareil comme le mu'azzin, il dit. C'est-à-dire, dites pareil comme le mu'azzin. Wa hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, iza sami'tum al-mu'azzin, lorsque vous entendez le muezzin, faqulu misla ma yaqul. Dites ce qu'il dit. Summa sallu alayya. Ensuite, priez sur moi. Fa innahu man salla alayya salatan. Celui qui prie sur moi, sallallahu alayhi biha ashra. Allah prie sur lui 10 fois. Summa salillahu. Aw salullahu li al-wasila. Demandez à Allah de m'accorder al-wasila. Al-wasila, c'est le moyen de faire la shafa'a. Fa innaha manzilatun. Car c'est une place fil janna, dans le paradis. La tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Et personne n'obtient cela sauf un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Et j'espère être cette personne qui obtiendra cela. Fa man sa'ala li al-wasila. Celui qui me demande cette wasila, hadlat alayhi shafa'ah, il va obtenir la shafa'ah. Vous voulez obtenir la shafa'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites l'invocation. Allahumma rabba hadhihi da'wati tam was salatu al-qa'im. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Le dernier là, innaka la tukhliful mi'ad. Ah, là, yassir. Ça va? Il t'arrête. Wa'attahu, c'est ce que tu lui as promis. On va voir cette invocation. Wa'an Umar ibn Khattab radiallahu anhu. D'après Umar ibn Khattab radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, iza qala al-mu'azzin. Si le muazzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'un d'entre vous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala ashhadu an la ilaha illallah. Qala ashhadu an la ilaha illallah. Il dit aussi ashhadu an la. Ila an qala, jusqu'à ce que le muazzin dit hayya ala salat. Qu'est-ce que vous dites? La hawla wa la quwwata illa billah. Quelle est la hikma de cette parole? La sagesse de cette parole. Lorsque le muazzin te dit hayya ala salat, et toi tu dis la hawla wa la quwwata. Al hawlu, c'est le mouvement. Ça va? Hawlu, c'est le mouvement. Voilà pourquoi lorsque une année passe, les Arabes ils appellent ça al hawl. Le fait que l'année est sortie et une autre année est rentrée. La hawla, c'est-à-dire il n'y a pas, il n'y a personne qui a la puissance de faire déplacer une personne ou de le faire bouger. Wala kuwata. Ni aussi, il n'y a personne qui a la capacité, la force de faire cela illa billah. C'est-à-dire le cheikh Souleymane Arouhei Afizaullah, il dit lorsque tu dis la hawla wala kuwata illa billah, c'est comme tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas me déplacer si ce n'est que toi tu ne me facilites. Je n'ai pas la force, je ne peux pas me déplacer. Ça va? Voilà la sagesse de cette parole-là, qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, s'il dit cela, wa kaza fi hayya ala al-fala, il dit pareil, dans hayya ala al-fala, il a akhiri, fa qala fi akhiri, et il a dit cela à la fin, min qalbihi, et il dit cela de son cœur, dakhala al-jannah, il rentre au paradis. Mais là, nous ferons fisale quelque chose. Tu vois, certains frères, les moisines sont en train de faire la zane, ils sont en train de causer. Ils sont en train de discuter. Ils sont en train de rater une bonne action. Une occasion de rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. وفي حديث سعد بن أبي وقاص دان حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر المساجد الله صلى الله عليه وسلم كدي من قال حين يسمع المؤذن سلي كدي لسكي لانتال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إدي سلا لسكي لانتال المؤذن إدي رضيت بالله ربا J'agrée Allah comme Seigneur, wabi Muhammadin Rasulan, et Muhammad comme messager, wabi l'islam dina, et l'islam comme religion, ghafira lahu zambo, ses péchés seront pardonnés, wahaza kulu fi sahih. Et tout cela se trouve dans les deux authentiques. Wafi sahih al-Bukhari, et dans l'authentique de l'imam Bukhari, an Jabir ibn Abdullah, le hadith est pris ici de Jabir ibn Abdullah qui dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قال Man qala hina yasma'u nida, celui qui dit lorsqu'il entend l'appel à la prière Allahumma rabba hadihi da'wati tamma. Allahumma, c'est-à-dire Allah rabba, le Seigneur hadihi da'wati tamma, de cette invocation complète والصلاه القائمه ايه cette prière qui sera adressée ati muhammad don a muhammad al wasila wal fadila al wasila qui est cette place de shafa'a ka isra al wasila le jour du yawm al qiyama lorsque les gens seront fatigués si elle sorti al qiyama les gens vont passer chez tous les messagers les 5 grands messagers ulul azm. Et tous ils vont les diriger vers Mohammed. Et lorsqu'ils vont arriver vers Mohammed, Mohammed dit, bah, dit, Analah. Il va faire le soujoud. Hein? Hadil wasila. Et une wasila, une shafa'a, qui lui sera accordée. Alors celui qui fait cette invocation, obtiendra sa shafa'a, comme il a dit. Et comme Allah dit, et comme il s'est dit dans l'invocation, c'est, Waba'asu maqaman mahmouda. Et accorde-lui cette place d'honneur. Alladhi wa'attahu, que tu l'as promis. Hallat alayhi shafa'ati. Celui qui dit cela, il obtiendra ma shafa'a yawm al-qiyama, le jour de la résurrection. Il obtiendra ma shafa'a. Combien de fois nous faisons cette invocation? Hein? Nous disons à ceux qui vont chercher les shafa'a auprès des chiou, qui font le shirk. Après le hasan, tu fais cette invocation. Tu obtiendras la shafa'a du meilleur des hommes. Que le prophète, au lieu d'aller te prosterner devant un cheikh, quelque part là-bas, pour chercher la shafa de cette personne, cherche la shafa du prophète, car c'est cette shafa-là qui sera sûre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Bismillah, on va s'arrêter ici et continuer la semaine prochaine, inshallah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين.